Channel, je vois tout là, il y a un qui est comme si Complètement. Dans ton local channels, dans la section ton écran de gauche, là, il faut peut-être que tu mettes les deux au centre. Comme si dans le panning, là. Mais dans le local channels, tu as écrit.